galère. 2016, c'est la LDT. Galère. Pas d'autres négros qui rappent comme ça. Beaucoup de négros qui ratent comme ça. LDO, négro, t'as jamais vu des pirates comme ça. Chinois dans les îles gratte comme ça. Galère. Équipe, hein. Galère. Libéré neuf, libéré gouap. Graille la concu comme des douap. Caca de chameau sur les douas. J'arrive chinois sur la borniche. Augmente niveau, fais ça normiche. T'es mort d'avance comme Kenny McCormick. Chen, zen, j'veux les sous comme Donald Negro. Crac, crac, crac, musique, nouvelle ère comme Ronald Negro. Gardien négro, j'ai la recette. J'ai la Royal Flush, la 2-7. S au kaki, tu marqueras pas de points même en 22-7. 23 piges, réfléchis comme un grand maître. S au roi de pain 500 necks, furtif, je veux pas finir à 100 mètres. Tellement haut quand je vous regarde, j'ai des vertiges. Je regarde le jeu, cherche la concurrence, gardien, c'est déserté. Équipe. Pas d'autres négros qui rappent comme ça. Beaucoup de négros qui rappent comme ça. LBO, négro, t'as jamais vu des pirates comme ça. Audio drogue dure, négro, cuisine crack comme ça. Chinois dans l'usine gratte comme ça. CR, négro, fusil traque comme ça. Pas d'autres négros qui rappent comme ça. Beaucoup de négros qui rappent comme ça. LBO, négro, t'as jamais vu des pirates comme ça. Audio drogue dure, négro, cuisine crack comme ça. Chinois dans l'usine gratte comme ça. CR, négro, fusil traque comme ça. Équipe, j'ai plus de fanatiques, les témoins de Jéhovah. Dans toutes les directions, c'est là que le fléau va. MC de merde, sans stress, j'en bute 16. Sur chaque instru, négro, but 16. PSN, Zen, Chen, 667, trouve-moi sur fut 16. En défense, distribue comme un MDC. Bientôt LDO en LDC. Chen, Zen, dans complot comme un NBC. Les yeux roses, comme le lac Red Bas. J'connais les boys, je ne la crée pas. T'éclats comme si je viens de fumer 4 Red Bas. J'suis comme un ouragan négro, t'es un ventilo. J'arrive lourd au microphone comme 67 fois 100 kilos. Killuminati négro, S.O. Maxon. Marche sur la lune, S.O. Jackson. Ces négros sont bien marrants, S.O. Patson. Équipe. Pas d'autres négros qui rappent comme ça. Beaucoup de négros qui rappent comme ça. LBO négro, t'as jamais vu des pirates comme ça. Audio drogue dure, négro, cuisine crack comme ça. Chinois dans l'usine gratte comme ça. CR négro, fusil traque comme ça. Pas d'autres négros qui rappent comme ça. Beaucoup de négros qui ratent comme ça. LBO négro, t'as jamais vu des pirates comme ça. Audio drogue dure, négro, cuisine crack comme ça. Chinois dans l'usine gratte comme ça. CR négro, fusil traque comme ça. MMS LDO. Elle est 2016.